réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, c'est un concept tout à fait incroyable qui consiste à te regarder full. Tout simplement, je vais à des spectacles où je pourrais même être dans la rue et t'observer, mais au lieu d'avoir l'air creepy sur mon trottoir, ben non, je me déplace dans les salles de spectacle et je t'observe. Toi qui t'amuses, toi qui trash, toi qui danse, toi qui applaudis vraiment fort durant le Festival burlesque de Montréal, parce que j'y suis allée pour la première journée, c'était une grosse fin de semaine, la fin de semaine dernière. Alors jeudi, vendredi, samedi, tu avais l'occasion de voir des artistes locaux et aussi internationaux au Festival burlesque, compte rendu. Et aussi, ça c'est tout en variété à Critique de Crowd, parce que ces temps-ci, sérieux, je sors un peu trop souvent, fait que ça fait trop de Critique de Crowd. Fait que dans la même soirée, je suis allée voir Rock'n'Roll Television, Colors Fade et Pain Relief. Ah, c'est pas pour rien tout ensemble. Ils ont un point en commun, la compilation Satire. Et oui, je vais même jaser avec Eric durant l'émission Eric de Satire, feu émission qu'il y avait sur les ondes de CISM 89.3 FM, c'est ici. Et dans le temps, c'était le mercredi soir. Et finalement, ben oui, après le punk rock, ben je me suis fait inviter à un show un peu obscur dans les lofts du Mylène, Mylex avec du techno. Fait que je te fais un compte rendu d'un show inattendu. Fait que ça va être pas mal ça. Oui, beaucoup de choses pour cette semaine. C'est pour ça qu'on va commencer tout de suite en musique avec We Are Wolf et la chanson Au revoir les crapules. Ça se retrouve sur leur nouvel album Wrong. Et avant d'écouter la chanson, je tiens à saluer Toby qui a appelé comme avant l'émission. C'est fort sympathique d'appeler les animateurs de CISM au 514-343-2476. Et c'est aussi sympathique de nous dire bonjour sur les internets parce que effectivement, des fois, en studio, on mélange nos CD puis là, on capote. Tandis que sur les internets, on a plus le temps de jaser. Mais je te remercie beaucoup de tes bons mots, Tommy. Et on va se revoir dans d'autres critiques de Crowd. D'ici ce temps-là, on écoute We Are Wolf. les bien-aimés We Are Wolf sur les ondes de la marge avec la chanson Au revoir les crapules qui se retrouve sur leur nouvel album Wrong. Et vous écoutez Critique de Crowd qui en effet est allé au Pour une première fois aussi, je découvre le milieu burlesque en soi et c'était une première au Festival burlesque de Montréal. C'était le 13, 14, 15 au Club Soda et... Club Soda, tu t'étais vraiment mis cute, pas pire cute pour l'occasion. Et c'est toujours... entrer au Club Soda, j'ai toujours trouvé que c'était une expérience en soi parce que l'accueil est assez phénoménal, effectivement, parce que... Je sais pas si c'est juste moi. Peut-être que c'est juste moi, là. Faut que tu me le confirmes, Crowd. C'est là le moment où tu peux m'écrire sur Facebook et tu dis « Moi aussi! » Moi aussi, genre, quand le gars qui déchire mon billet, ça devient toujours une aventure. Mais cette fois-ci, c'était exponentiel parce que il y avait plein de kiosques d'objets burlesques à vendre. Alors, petit cache-sein tout diamanté, petit sous-vêtement tout à fait coquet. Et ouais, vraiment divers accessoires. Je me suis sentie comme dans les coulisses du spectacle. Et j'ai vraiment cru pendant 2 secondes, parce qu'il y avait des danseuses déjà costumées, bien parées, avec leurs plumes. Et leurs costumes sont tellement incroyables. Fait que, ouais, sûrement qu'ils se préparent à l'avance parce que ça doit être long à mettre. Mais reste que pendant 2 secondes, je me suis vraiment sentie comme ils ont-tu mis comme le backstage, comme à l'entrée? Mais c'était tellement beau que, oui, j'ai apprécié le moment-là. J'ai apprécié, ce rêve que je me suis créé pendant mon arrivée. Et en plus, complètement différent, parce que oui, l'accueil est toujours charmant au Club Soda, mais cette fois-ci, en plus, on était escortés jusqu'à nos tables. Je me suis sentie princesse, pas à peu près. Et quand je dis que le Club Soda, c'était, bien arrangé, bien grillé, bien, c'est parce qu'il y avait des rideaux rouges un peu partout, alors pour orner autant le balcon, autant les tables, autant la scène, des grands rideaux rouges aussi qui... était superposé sur différentes longueurs sur la scène. J'ai beaucoup apprécié parce que comme scène, oui, ça créait un bel effet, une belle profondeur, puis ça rappelait vraiment l'esthétique cabaret. Fait que très rapidement, en rentrant dans la salle, on se sent dans une ambiance tout à fait différente qu'à d'habitude. Fait que, ouais, j'ai aimé ça déjà de le vivre comme ça en tant que crowd. Bon, le seul problème, c'est que, j'étais pas très informée sur la tenue vestimentaire. Ouais, il y avait comme certaines exigences qui demandaient qu'on soit pas en jeans, pas en running shoe, puis pas comme avec des calottes. Je correspond plus ou moins à ces critères-là, mais j'étais pas plus propre parce que j'avais des collants troués. J'avais comme mon gilet de CISM, on a une édition spéciale de Pony avec un chien. Là, il est blanc, puis moi, je suis pas propre dans la vie, fait que j'avais sali. Je suis même pas prof. Fait que moi, mon t-shirt est sale parce qu'il est 8h, puis la journée était longue. Puis j'ai des bottes qui sont aussi trouées. Puis là, je réalise que tout le monde est vraiment, vraiment beau autour de moi. Puis je suis comme, oh mon Dieu, j'espère que je suis pas... vous êtes disqualifiée, madame, retournez chez vous. Mais j'ai été escortée jusqu'à ma table, fait que visiblement, j'étais acceptée malgré mes apparences. Et surtout que j'étais entourée, je pense, de la section VIP. Il y avait différents forfait pour le festival burlesque, dont le VIP qui incluait aussi comme une bouteille de mousseux. Je le mentionne parce que c'est quand même comme un drôle d'effet d'arriver dans une salle et que tout le monde qui t'entoure boit du champagne. Tu sais, t'as un petit feeling toi-même, même si t'as rien bu. Fait que c'est aussi le fait que je sois arrivée en retard, bien évidemment, parce que je garde mes traditions. Fait que je suis arrivée en retard, je suis arrivée en plein milieu... la première partie, il y a un animateur, appelons-le animateur de foule, parce que oui, on est déjà averti qu'il va y avoir une certaine interaction avec le public. Et dès mon entrée en salle, ben lui, il était carrément dans la foule. Il était en train de faire des petites blagounettes. Il plaisante, quel fanfaron. Et oui, c'était quand même amusant de le voir faire avec la foule. Les gens réagissaient bien, ça rit, ça s'amuse. Et ils se gargarisaient. Ça, je sais pas si c'est, mon Dieu, une espèce d'inside dans le milieu burlesque, parce que ça m'a complètement échappé. Il l'a fait à quelques reprises et, ben, googler des onomatopées comme c'est assez difficile, fait que j'ai comme pas tant trouvé de solution. Si vous le savez, vous pouvez m'écrire encore une fois. Mais le point qui m'a le plus marqué, question réaction de foule, c'est les miaulements. Ça miaulait! Pour ceux qui sont des habitués du festival Fantasia, ça miaule durant les représentations, durant les films. Puis là, c'était la même chose. Là, je me suis dit, Je prends Fantasia, qu'est-ce qui se passe bien? Et je me suis fait expliquer par un ami que c'est une habitude au théâtre, comme quoi quand les gens étaient insatisfaits, bon, cette fois-ci, on dira pas que c'était l'insatisfaction tout simplement pour la moquerie, pour faire partie de la blague, que ça miaule dans la foule. Et, ben, je sais pas, il me semble que je pensais que je m'y connaissais pas pire en théâtre, mais j'avais jamais entendu cette anecdote-là. Et, encore une fois, essaye de fouiller. Miaulement plus théâtre. Hey, les internets t'aident pas dans ce temps-là. Je trouvais rien qui avait du sens. Parce que par le passé, il paraît que ça sifflait quand les gens étaient pas contents. Pour ceux qui sont des amateurs d'improvisation, on lançait les claques. Tu sais, les choses que les gens mettaient par-dessus leurs souliers l'hiver, puis quand ils aimaient pas l'impro, ben, ils la lançaient. Et moi-même, à avoir assisté à de l'impro, je me gâtais beaucoup quand j'étais jeune, puis je lançais mes souliers tout le temps. Fait que bref, il y a quand même certaines réactions, oui, qui peuvent être communes à certains types d'événements, mais là, le miaulement, ça m'échappe. Mais ouais, ça a été à plusieurs reprises et c'était sympathique, mais en même temps, c'est un peu déroutant parce que t'as aucune idée de où ça provient et pourquoi. Parce que non, il n'y a aucun numéro burlesque, disons, animalier. Non, ça n'avait pas de lien avec ce qui se passait sur scène, les costumes ou l'ambiance, du tout. Ça m'échappe. Mystère. Mais si vous avez la réponse, encore une fois, là, sérieux, j'ai vraiment envie d'avoir la réponse. Fait qu'on va continuer tout de suite en musique. Ils sont tellement bien habillés que je voulais leur rendre hommage avec une chanson qui s'appelle Paillette, mais elle s'appelle aussi Stressé Paillette, parce que, bah, faire du spectacle, c'est un peu le trac. Fait que voilà mon beau point pour Stressé Paillette de Pierre et Bastien. Hey! Dur Cœur sur les ondes du 89.3. C'était la chanson Dur Cœur du groupe Dur Cœur de leur album Pinquin Dur Cœur. Et vous avez aussi entendu Pierre et Bastien et leur chanson Stress et paillettes qui se retrouve sur The Mossless Tape que vous pouvez télécharger gratuitement sur la souterraine. Je vous le suggère bien fortement. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolene. Et peut-être durant ces chansons, vous disiez Jolene, c'était comment le spectacle? T'as parlé un peu de la crowd, comment c'était beau, la crowd! Ben oui, effectivement, comme t'as bien constaté, elle était belle, elle applaudissait au bon moment, elle réagissait bien. Oui, ça réagit bien, ben, dans un sens un peu convenu par rapport au spectacle et à ses moments forts. Alors, durant chaque prestation de chaque demoiselle sur scène et chaque dame, ben oui, levée de jupe à applaudissements ou un certain cri. Pour aussi des chorégraphies époustouflantes, là, je vais revenir plus longuement sur le sujet, là, mais il y en avait, ça pouvait être quelque chose, là, c'était assez théâtral. Fait que dépendamment ce qui se passait sur scène, ça pouvait réagir un peu plus fort. Par contre, il y avait une gentille dame dans la foule qui était juste à côté de moi, fait que je l'avais drette dans l'oreille gauche, mais elle avait toute une réaction. Elle était comme waouh, mais je suis incapable d'imiter son cri. C'est un W comme un W-R-A, comme RAH, mais comme avec un R qui roule vraiment fort et très étendu. Plus elle était heureuse de la danseuse annoncée, plus elle criait longuement. C'était très généreux et au début, je me suis dit « Wow, quel enthousiasme, quel crowd quand même! » Puis après ça, je réalise que ben, c'est particulièrement elle. Et ensuite, je me fais poquer l'épaule et il y a quelqu'un qui me demande de parler à sa boss. Fait que là, j'ai compris que la fille était pas mal dans le milieu, finalement, où elle connaît tout le monde. Fait que là, elle voulait encourager tout le monde. Puis elle était vraiment... visiblement, elle était très, très, très, très heureuse. Elle était vraiment bien. Oh, elle était vraiment, vraiment belle. Écoute, c'était sa soirée. Ah oui, elle était... je sais pas si elle avait été sur scène avant que j'arrive, mais au moins, c'était une grosse soirée pour elle. On pouvait l'entendre, on pouvait le voir par son enthousiasme. Et sinon, dans la foule, il y avait un gagnant. Il ne le savait pas encore quand il s'était assis, puisqu'il y avait un aimant collé sur nos chaises. Et ouais, il y avait une seule personne qui gagnait un paquet cadeau. Et ça, c'est toujours à la fois plaisant de gagner ou déplaisant de monter sur scène pour tous les timides de ce monde. Et je sais pas si inévitablement on tombe tout le temps sur la personne qui est timide dans ces concours-là, comme elle gagne puis elle reste sur sa chaise puis elle est comme ah non, puis là l'animateur de foule qui est comme yes, c'est toi la gagnante, viens nous voir. Alors série de blagounettes et on dévoile le cadeau qui me fait encore rire, je pense. Le cadeau c'était des biscottes. C'était des biscottes puis de la confiture puis moi, ça me fait rire parce que je me dis, mais ça me semble que c'est le cadeau genre du chaperon rouge qu'il donne à sa grand-mère. C'est un drôle de... c'est un drôle de cadeau pour un festival burlesque, des biscottes. Tu sais, ils ont beau être savoureuses, là, mais il me semble que... En tout cas, c'est juste moi, là. Hey, tant qu'ils sont faits avec amour, les biscottes, là, c'est juste ça qui compte. Mais reste que... Ouais, la gagnante aussi, elle avait un peu ma réaction. Elle a fait, sérieux, je suis montée sur scène parce que j'ai gagné des biscottes? Fait que voilà, ça aurait été tout un moment de crowd. Mais il y a d'autres moments où la foule, oui, est interpellée. Tu sais, c'est sûr qu'avec l'animateur, tiens, il nous anime, il fait « Allez, tout le monde en applaudit » ou sans forcer plus, parce que de toute façon, les gens étaient déjà généreux en soi. Mais durant les représentations, je pense à Joséphine. Joséphine, si tu écoutes souvent Critique de Crowd, peut-être que ce nom te dit quelque chose, puisque quand je suis allée à Pop Montréal pour la toute première fois au bar Mademoiselle, je vous ai fait une courte description de ce lieu tout à fait particulier, et j'avais mentionné qu'il y avait des espèces de brunch, dîner burlesque avec des cours, puis je trouvais ça un peu obscur, je trouvais ça un peu étrange, un drôle mélange. Mais c'est elle! C'est son école! Je suis allée à l'école de Joséphine et je peux confirmer que c'est tout à fait une femme professionnelle. Alors, plus de doute sur le bord, Mademoiselle, il y a véritablement des cours et elle est véritablement bonne. Elle a commencé sur scène, elle est descendue, alors elle va taquiner la foule. En passant, si t'as envie de te faire taquiner crowd durant un spectacle burlesque, mets-toi pas au fond de la salle, sans doute, mais mets-toi pas non plus sur les côtés ou trop... Ah! trop en avant, surtout au centre, parce qu'ils vont toujours faire des allers-retours au centre. Fait que sinon, non, mais personne qui est venu me voir. C'était assez tranquille, j'étais dans l'ombre. Fait que c'est ça, elle s'en va taquiner les gens, elle remonte sur scène avec son boa, elle va vers les rideaux. C'est celle qui va peut-être avoir eu le plus d'interaction avec le public, c'est la... Là, désolée, j'ai pas le nom des artistes. Ça, c'est de ma faute. Moi, je retiens pas les noms, puis je les ai pas retrouvés sur Internet, c'est la vérité. Fait qu'il y avait... je sais plus de sa provenance, mais il me semble que c'était une Américaine. Et elle avait un numéro avec des beignes. Et elle-même, elle avait un beigne sur la tête. Écoute, elle était coquette comme cuisinière et son tablier. Là, elle arrive avec sa boîte de beignes. Elle en offre aux gens dans la foule. Et oh, la boîte est vide. Et elle entraîne la personne à qui elle voulait offrir le non-beigne qui n'était dans la boîte vide. Et elle l'entraîne sur scène pour un numéro tout à fait... coquin, cocasse, avec le jeune homme. La seule chose, c'est que je trouvais les réactions du gars très professionnelles. Pas qu'il fallait qu'il agisse de mauvais goût, là, nullement mon idée. Tout simplement que je trouvais dans son œil un regard taquin mais théâtral, un peu organisé. Et en même temps, il est retourné dans la foule tout le long du spectacle par la suite. Fait que je sais pas... Ah, j'ai été eue vraiment par le show. Je me suis dit, non, c'est un comédien, il l'a trop bien. Il a une prestance sur scène qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement, justement, la timidité de la gagnante, puis sa façon d'être sur scène. Tu sais, on s'assume moins physiquement là, quand on n'est pas à l'aise, quand on n'a pas une présence. Fait que je me suis dit, c'est un comédien. Mais en même temps, il restait tout le long du show. Il était comme... En tout cas, il jouait bien son jeu. Félicitations. Tu m'as eu. Et à la toute fin du spectacle, l'organisatrice du Festival Burlesque de Montréal avait un numéro assez époustouflant. Elle s'appelle Scarlett James, mais cette fois-ci, elle devait être une geisha puisqu'elle s'est battue hors martial, coup d'épée, c'était intense de se battre avec une épée puis de se déshabiller de façon gracieuse et tout à fait affiolante comme le font le burlesque. Fait que ouais, c'était un numéro tout à fait original. La seule chose, c'est qu'en tant que femme, c'est le moment où j'ai réalisé que ouais, elle combattait un homme. Et ben lui, il a pas mal gardé tout son costume. Fait que ouais, fait que si tu voulais voir du chess ou moindrement de la peau masculine, ça se passe pas au festival burlesque pantoute. Mais c'est la vie, ça doit être les traditions qu'on continue même aujourd'hui. Alors voilà, Festival Burlesque, c'est une crowd chic qui joue bien le jeu. Oui, en tant que crowd, de ses différentes façons, elle joue bien le jeu. Et on va continuer en musique pour rendre hommage à cette Scarlett des Shrimps. Prends-moi sur la table et dans la douche aussi. Allez, touche-moi, caresse-moi sur le lit, le divan. Au plaisir que doucement tu murmures, mon corps se perd.

ça se dit trop pas, mais je suis toujours proche du street comme un nain. Je te parle à 40, la 20, puis une scène à faire sur le coin de rue. J'ai essayé deux jets et je suis trop soft, y'a pas moyen. Les tracks, faut que ça déglingue. On a par nos besaces cachés dans les forêts comme des lynx. Ado de cheval pour des lingots, de Saint-Lin à Val-Alain. Garantie, elle soigne. Aucun job au bureau des plaintes. Êtes-vous dans la plage, jetez vos selles dans vos mains. Joke, y'a dégueulasse, ben c'est laisse à chling. Combien de cut, nasty money. T'en connais à peu près une centaine, ça c'est dans le boyang. Combien de sièmes tragédies, combien de sièmes chapitres. Combien de minces début vingtaine l'ont échappé. Chacun son propre palmarès de meilleur mot stupide. Fake, fake. Qu'est-ce qu'un lapin aura pas fait pour une lapine? Tune que j'aurais d'un strip avec des paroles instruites. Grimacer le monde, Driss, encore sweat. Stephen Curry, Stephen Curry, Stephen Curry. C'est pas assez d'avoir du pain, tu veux qu'il soit burry. Burry, tout le monde aime le dessert, voudrait legendary. Je veux l'équipe en lac, championnat assuré. Okay. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de sport? Ah. Avec la vie difficile, word. Au bord du précipice. Fist. Appelons ce pitball, ball. Oh non, t'arrives pas. Non. Mais si tu respect, dégonfler quel Chris, bride un pneu de show. En plein délit de frites, 2 fois 8 ball. Non. Avec zéro deep shit, mon gars oublie chef. Tout est personnel, je veux dire tout est business. Oublie d'or, pourquoi pas dans ce cas-là? Swapper des beignes la Pologne. Sur la rue Ontario-Est, à 200 mètres du coin Folum. Mais fais attention, bonhomme, au sirop sera le volant. C'est dangereux, y'a pas avec la résine de wiki collant. Ça va brasser dans Pologne. Ils s'organisent un brain fuck géant, ça leur a pas besoin d'être physiquement violent. Zip zap, tout le monde passe à télé un jour ou l'autre. J'espère que ça va être pour les bonnes raisons quand c'est ton moment. Tu rentres en dedans, ça va être plein de tasses. Tu vieux nord, comme à l'école season, c'est ta tasse. Utilisez les stats, on est les stats. Ballon à prix à place, sauver nos fiches ass. Mais c'est des mains, ok, dans un six cylindres. V'là mon boy Colin, rue Saint-Laurent au coin. Il fait une bonne pause, il fait son bis bain. Allemand pense qu'il trimballe son afro juste ça, yeah. C'est pas assez d'avoir du pain, tu veux qu'il soit beurre, beurre. Tout le monde aime le dessert, voudrait être légendaire. J'ai l'équipe en lac, championnat assuré, juste ça yank, du gros ballon, juste ça yank. Un million d'or dans le gym, pas encore le cœur, okay. Kenlo, son album sort, Long Jeu, lancement ce soir de Long Jeu à Montréal. Et vous avez entendu Juste ça Yank, j'espère que ça vous a bien donné le goût, tout comme moi, de découvrir l'album au complet. Vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Et oui! Il y a de la crowd partout et toute la semaine. Suggestion de spectacle. Ce jeudi, effectivement, Kenlo, mais écoute, il y a de la compétition sur le lancement puisque Duchesse 16 lance aussi leur album. C'est Science Nouvelle et ça va être au La Tulipe. C'est aussi les débuts des festivités de Spasme. Alors, rendez-vous au Théâtre Plaza. Moi, c'est par là que je m'en vais. Fait que, ouais. Sinon, vendredi, Touché à Morée, Teeny Moving Parts, Culture Abuse. Ça se passe au Ritz PDB. Encore un lancement! Écoute, c'est l'automne, ça paraît. Lancement de Fuck Tout que je vous ai diffusé la semaine dernière. Va réécouter l'émission, mais surtout va écouter l'album au complet. Et ça va se passer comme lancement avec Fuck Tout à l'ESCO. Ils seront accompagnés de Tin Sizer et Benzoid. Samedi, spectacle de clôture pour Acousma. Alors, si tu étais toujours pas allé, c'est le moment ou jamais. C'est à l'usine C. Et il y aura du violoncelle, d'électroacoustique, évidemment, black metal, de l'accordéon numérique. Écoute tout ça ensemble, ça en fait pour ton argent. Je le crée bien. Samedi, ça a été une suggestion faite par François Donatien. Je le mentionne tout de suite pour lui dire bonjour parce qu'il est dans la critique de Crowd, de satire. Alors, il m'a suggéré d'aller à la Cinémathèque québécoise parce qu'il y a comme thématique les films amateurs de spectacles musicaux et performances variées. Donc, il y aura des archives de Crowd filmées par des amateurs. C'est assez malade. Je sais pas si je vais avoir le temps, mais bref, ce samedi, si ça vous tente de me rapporter le tout, ben, gênez-vous pas, Crowd, chers auditeurs de CISM. Ça va me faire bien plaisir de vous écouter. Et sinon, samedi, parce que ça dure toute la journée et toute la soirée. Écoute, c'est long. Mais tu peux aussi aller à la brasserie Beaubien pendant ce temps-là. C'est White Fang avec No Parents. Dimanche, ben, là, c'est un autre White, mais c'est White Long. Et ils sont avec Flasher et vous avez aussi, CISM qui présente Rouge Pompier durant les tailgates des carabins. On fait des belles affaires, du sport puis de la bonne musique. bon, ah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. On dirait que moi, c'est le moment que je suis comme, ouais, pourquoi pas, parce que moi, le sport, ça m'allume zéro, mais vu qu'il y a Rouge Pompier, je suis comme, ah, on sait jamais. Sinon, lundi, si tu avais l'intention de voir Pascal Picard au Vert Bouteille, erreur, c'est complet. Mais c'est bien si t'as déjà ton billet parce que t'es quelqu'un à l'avance. Mais tu peux y aller le lendemain, mardi, Pascal Picard au Vert Bouteille. Et finalement, mercredi, j'y serai tambour et compagnie, puisque oui, ce sera version orchestrale à la Sala Rossa. Alors, ce sera un beau moment d'écoute et wow, en quelque sorte de méditation. On va être calme et à apprécier la musique tout doucement. J'ai parlé de concours avant les publicités. En effet, c'est les Goules puis Gasoline. On les aime. Ils sont souvent dans le palmarès Goules. Kid Kuna le sera dans pas long en musique. Et Gasoline est au palmarès. Fait que je crois que c'est un spectacle excellent. En tout cas, c'est des choix recommandés de ces ISM. C'est dans le cadre des coups de cœur francophones. Fait que tu veux gagner une paire, ben t'appelles 514-343-2476. Et sinon, on va écouter les chansons du palmarès. J'ai dit Kid. Je vous avais toujours pas diffusé la chanson Poupée. C'est à suivre pour son album solo. Alors, il est en ce moment en 15e position et ce sera suivi de Van Carton, la chanson Tu cries en 21e position. J'aime vraiment beaucoup cette chanson-là qui se retrouve sur l'album La Saison. Et par la suite, entrevue avec Éric de Satire, ancienne émission de CISM qui a fait une compilation et un spectacle. On va en jaser avec lui, c'est encore plus le fun. À tout de suite. Et t'as la frime avec, t'as les caprices. Et t'as le prix, t'as le style, t'as la classe, c'est ça. Et t'as l'estime avec, t'as tes quartiers dans la ouate. T'as la beauté, ça t'épate, t'as les nénés, t'as les pattes. Tu vas t'aimer dans les boîtes, t'as les regards. Et t'as la piste, t'as le cul, t'as la chance. Mais t'as du sang sur tes blue jeans, oui t'as du sang sur tes blue jeans. Oui t'as du sang sur tes blue jeans, on y va. Poupée mode, poupée margarine, poupée, poupée fatale, poupée futile, poupée. Poupée parade, poupée Paris, poupée fringue, poupée franche, poupée, poupée Barbie, poupée, poupée fadasse, poupée graphique, poupée lisse, poupée plante, poupée, poupée plastique, poupée, poupée tendance, poupée boutique, poupée bling, poupée glam, poupée, poupée platino, oui, de poupée magazine, oui, de poupée magazine, on y va. T'as les ficelles et t'as le pif, t'as le risque, t'as l'arrogance et t'as le fric avec, t'as la machine et t'as la team, t'as les thèmes, t'as la crise, c'est ça, et les appuis avec. T'as la finance, t'as la fuite, t'as la triche et t'as la tchatch. T'as l'appétit, t'as la tarte, t'as les lobbies, t'as les cartes. T'as la confiance et t'as la bite, t'as la gueule, t'as la chance. Mais t'as du sang sur ta chemise, oui t'as du sang sur ta chemise, oui t'as du sang sur ta chemise, on y va. Poupée gage, poupée politique, poupée, poupée requin, poupée rapine, poupée, poupée palace, poupée smoking, poupée ring, poupée banque, poupée, poupée bandit, poupée, poupée carnage, poupée mobile, poupée bombe, poupée frappe, poupée, poupée Barry, poupée, poupée malade, poupée marine, poupée triste, poupée trompe, poupée, poupée fasciste, oh oui, de poupée parasite, oh oui, de poupée parasite, on ira. Thank you. l'espoir et la science. Ton corps devenu trop étrange. Tâche noire sur la chance. C'est pas la peur qui te hante. C'est pas la force qui te manque. C'est juste que les mots qui passent. Les rêves de tes rêves immenses. Tu joues du corps et tu cries. Quand tout s'écroule, tu plies. Ton cœur déboule et tu vis comme si c'était déjà écrit. Tu joues du col et tu cries. Vous écoutez toujours Critique de Crowd. On est au téléphone, mais je dis on, je suis au téléphone et Eric est à l'autre bout. Eric! Bonjour! Feu l'émission Satire. J'ai envie de dire Eric Satire parce que quand t'écris sur Barricade Punk, tu dis Eric Satire. On dirait ton nom de famille. C'est mon nom. Ah! C'est mon nom d'artiste, on peut dire ça comme ça. Oui, exactement, exactement. Mentionnons quand même 10 ans à CISM, Satire. Et comment t'as fait pour décider justement, en bon jeu de mots, de tirer la plug de Satire? Ah, ça a pas été facile. Après 10 ans, c'est sûr que c'est vraiment de la passion. Hein. Puis, à un moment donné, ben, c'est sûr, c'est juste de sentir que peut-être on a un peu moins de temps à mettre, un peu moins d'amour à mettre sur l'émission. Fait que j'ai considéré que oui, c'était peut-être le temps pour moi de tirer ma révérence, mais une décision très difficile à prendre, disons. Ouais, hey, ça, on peut révéler un secret parce que tu n'enregistrais pas ton émission en direct et tu l'enregistrais super tard à ta dernière saison. Tu m'as dit que tu l'enregistrais à 1h du matin. Exactement. C'est toujours vers 1h, 2h du matin que je finissais ça le mardi pour la diffusion du mercredi. Donc on peut voir que c'était de plus en plus difficile. Ouais, quand tu manquais de temps, là, c'était littéralement. Exactement, c'est ça. Et là, on parle de ton ancienne émission, puisqu'il y a eu une compilation qui est sortie. Est-ce que c'était pour souligner la fin de Satire que tu as sorti cette compilation-là, ou c'est des projets parallèles? Non, c'était quand même un peu voulu. Comme tu l'as dit tantôt, ça faisait 10 ans que j'étais là. J'avais quand même aussi comme projet, comme projet éventuel de quitter. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée de finir ça en grand avec une compilation. C'est un peu un coup de chapeau aussi à tous les groupes qui ont joué à l'émission, puis de montrer un coup d'œil sur la scène qui a évolué au cours des années. Ça montrait également l'espèce de collaboration qui existe sur la scène. Donc, c'était une idée que j'avais en tête, que j'ai lancée à quelques personnes, puis ça fait effet boule de neige, puis on a réussi à avoir une bonne compilation là avec plusieurs groupes de la scène, des groupes du Québec, des groupes de France, un groupe de Vancouver aussi, tous des gens qui avaient déjà entendu parler de Satire un point ou l'autre, donc puis de CISM. Donc, ça a été bien, bien le fun de mener ce projet-là à terme. Et tu dis, oui, les groupes que tu es allé chercher, mais il y a tout un processus qui s'est passé sur les internets pour la création de la compilation. La création de la compile, oui, ça s'est fait beaucoup sur Internet. Moi, j'ai lancé l'idée, j'aimerais ça faire une compile satire. Y a-tu des groupes qui seraient intéressés? Sur Facebook. Sur Facebook. À ma grande surprise, là, je pense en 15 minutes, j'ai eu une dizaine de réponses. Des gens qui étaient très favorables à ça, qui voulaient donner une chanson, parce qu'on s'entend, les groupes ont tout fait ça de manière bénévole. Là, donc, c'était pour donner une chanson pour la compile, pour se faire connaître aussi. J'ai la gang aussi de Thousand Island Records, qui est une compagnie de disques qui commençait. Qui sont à Montréal, là? Ouais, sont à Montréal, sont basés dans le Grand Montréal. Puis eux, ils voyaient une belle opportunité pour eux de se faire connaître aussi. Donc rapidement, on a créé une collaboration entre moi puis entre la gang de Thousand Island Records qui m'ont amené quelques groupes aussi. Donc ça a vraiment été un travail. C'est là qu'on voit. Ça fait un peu cliché, là, mais c'est là qu'on voit l'impact de CISM. Tu sais, les groupes étaient très motivés de participer au projet, puis à deux, on a réussi, là, à deux, à la gang de Thousand, puis moi, on a réussi à créer quelque chose là, d'assez complet. Puis moi, je suis très, très, très content aussi d'avoir vu des groupes de France là, qui ont vu le projet, qui ont vu une bonne opportunité pour eux de se faire connaître au Québec. Peux-tu nous nommer lesquels qui se retrouvent sur la compilation? Les trois groupes français, il y a ces gens-là, il y a La Bouve, puis il y a Union Jack, qui est un groupe plus de ska-core. Puis eux, ça montre encore la belle collaboration qu'on a eue des groupes qui sont sur la compile. C'est le groupe Les Scalpés qui m'ont dit « Ah, mais ça serait peut-être le fun d'avoir Union Jack, ça te tente-tu des avoir? » C'est pas un de mes groupes les seuls préférés. De ska-core. Donc, ça fait, ben oui, c'est un de mes groupes préférés. Let's go, s'ils veulent être là, tant mieux. Donc, ça s'est fait assez facilement, là. Et ouais. Ouais, je trouve ça beau que tu mentionnes CISM, parce que, ouais, c'est sûr que 10 ans, puis moi-même, je trouve qu'on est tellement une belle communauté. Là, c'est le moment où j'ai l'impression qu'on se donne des fleurs mutuellement. CISM, c'est beau! Mais c'est l'esprit de communauté punk, moi, qui m'a marqué quand tu m'avais conté l'histoire de la compilation, comment ça s'était fait rapidement, comment les groupes avaient été généreux, la situation actuelle sur la scène punk, comment elle se passe, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup d'entrain, beaucoup de générosité. Il y a beaucoup de générosité. Tu sais, on s'entend, là, les groupes qui font du punk rock aujourd'hui, ils font ça par passion. Je pense qu'il n'y a pas grand monde là qui pense faire sa richesse là-dedans. Donc, c'est vraiment de la passion pour la musique. La passion de se faire connaître aussi, c'est sûr. T'sais, tu fais de la musique, tu veux te faire entendre. Puis de voir tous ces groupes-là qui ont tout embarqué dans le projet. Puis ça va au-delà des groupes aussi, là. Je tiens à mentionner, pour faire la compilation, bon, j'avais besoin d'une pochette. On a trouvé un artiste, François Donatien, qui a donné généreusement de son temps. Il nous a fait une super pochette gratuite. Après ça, j'ai André qui fait un webzine qui s'appelle Résine, qui lui m'a proposé de faire un zine spécial qui présente tous les groupes. Donc, c'est vraiment un beau projet de collaboration avec tous les groupes qui se sont tenus. Puis ça a été, ben ça, on a fait la compile, on a fait des spectacles et tout. Puis tout le monde a donné généreusement de leur temps là-dedans. Là. Donc c'est une belle scène qui se tient, oui. Et des belles rencontres, parce que François Donatien, si vous ne vous connaissiez pas, vous aviez à vous connaître, parce que ces bandes dessinées concernent toujours des punks, fait que c'était parfait. Exactement, oui. Très intéressant. Oui, hey, t'as fait des spectacles avec la compilation. Le tout premier était à Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas. À Sainte-Thérèse. Oh, j'étais à une scène près. Oui, c'est ça. Ouais, on pourquoi? A fait, pourquoi? T'habites à Montréal? Ben oui, mais c'est une possibilité qu'on avait là-bas. Des contacts de la gang de Thousand Island Records avec le Monte Cristo. Une salle qui répondait à nos besoins aussi là pour parce pour que c'est pas trop propre, mais c'est tout à fait sympathique comme l'hémisphère gauche. Ouais, exactement. C'est pas trop gros, puis en même temps, tu sais, c'est une salle qui est assez reconnue. On savait qu'elle était pour avoir quand même un bon public. Donc, encore là, on a eu, pour ce spectacle-là, on a eu quatre groupes, là, No Real Hero, Down Memory Lane, Set It Back, Jerry Bullets, qui sont venus jouer gratuitement, en fait, là, bénévolement. Puis le but de ce spectacle-là, c'était de ramasser de l'argent. En fait, le projet s'attire tout ça, comme je dis, les bands ont été bénévoles. Moi, c'était clair dès le début, je me fais pas une scène avec ça. C'était vraiment de redonner. S'il y a des profits qui avaient été faits, c'était de redonner à des organisations. Encore là, on utilisait les contacts, les gens des groupes qui connaissent des gens dans des organisations et tout ça. Donc, le spectacle à Sainte-Thérèse, c'était vraiment pour ça. C'était les profits pour être remis à la maison des jeunes de Pointe-Calumet. Bon, des contacts, comme je dis, avec la gang de Thousand Island Records. Puis, bon, on a quand même réussi dans un petit show de punk rock à remettre 300$ à la maison des jeunes. Donc, ouais, c'est un beau succès. Et est-ce que ça dansait le ska? Est-ce que ça s'énervait à Sainte-Thérèse? Ça s'énervait beaucoup à Sainte-Thérèse. Ah! Oui, oui, on a vraiment eu un beau show, une belle foule. Puis, si vous connaissez pas les groupes qui étaient là, là, moi, Set It Back, ils ont brûlé la place. Ça, c'était vraiment bon. En fait, tous les groupes étaient bons. Puis, ouais, j'ai vu beaucoup de gens qui... des gens qui venaient voir les bands après, puis t'es écoutes parler, tu dis OK, c'est sûr qu'ils connaissent le band, ils trippent ben trop avec les gars, puis finalement c'était des premières rencontres, c'est vraiment une belle découverte, puis ouais, c'est ça, ça donne un bon coup de main aussi, je pense, aux bands. Est-ce que c'est le fait que c'était des dons pour une maison de jeunes, puis il y avait beaucoup de jeunes, ou il y a une scène à Sainte-Thérèse qui m'était tout à fait méconnue? En fait, il y a une scène. Le Monte Cristo, les gens qui sont proches de Sainte-Thérèse devraient s'intéresser quand même au Monte Cristo puis aux spectacles qu'on va faire là-bas. Il y a souvent des shows de punk rock et puis c'est excellent. Là. C'est une belle scène. Oh, mais ouais, je trouve ça beau comment c'est plein de petites cellules un peu partout, parce que au spectacle à Montréal, il y avait un band de Québec, un band de Gatineau, un band de Montréal. Ça prouve qu'il y en a encore un peu partout au Québec. Exactement, ça c'était un peu l'objectif du deuxième show, le show à Montréal. Bon, à l'hémisphère gauche, on a eu une opportunité de faire un deuxième show pour la compile. Rock and Roll Television était déjà booké sur le band de Montréal, puis on s'est dit, OK, tant qu'à ça, l'objectif de la compile satire, c'était de montrer la scène locale. Ben, c'était une bonne façon d'avoir des groupes, là, comme tu dis, Pain Relief vient de Québec, Colors Fade vient de Gatineau, donc on ratisse quand même large. Puis ça montre que la scène est présente un peu partout. C'est peut-être pas aussi présente qu'à Montréal, mais il y a quand même des bons groupes qui sont cachés dans ces régions-là. Là. Oui, puis à l'hémisphère gauche, au spectacle de la compilation Satire, tu m'as présenté La Cavale, puis leur histoire me fait quand même rire, parce que je trouvais que la scène française punk se portait bien, mais eux autres, ils ont dit « Hey, au Québec, ça a l'air le fun, fait qu'on descend. Ouais. » C'est comme ça que tu les as connus? Oui, je suis vraiment content que tu m'en parles. En fait, je voulais même te parler de La Cavale, ça. Quand on parle de on va en passer la tantôt. Scène, quand on parle de la scène punk rock au Québec, eux autres, tu sais, je parlais de passion tantôt. Ben, ces gars-là, ils ont décidé de laisser tomber la France, de venir s'installer au Québec juste pour jouer de la musique, juste pour faire connaître leur punk rock ici. Puis c'est ça, en leur parlant, ben, on s'est rendu compte que oui, la scène française, on entend parler, on voit des groupes, mais pour les formations qui sont peut-être moins connues, c'est plus dur de percer. Les gars de La Cavale me disaient justement au spectacle qu'ils voyaient moins de collaborations entre les bands dans leur pays qu'ici. Donc, ils trouvaient vraiment que c'était beau à voir ici, là, l'espèce d'entraide qu'il peut avoir entre les groupes, puis le fait que tout le monde se tient, puis qu'il y a quand même beaucoup de spectacles. T'sais, quand on commence à regarder, il y a beaucoup de spectacles qui se donnent, puis c'est intéressant pour les groupes. Oui, fait que peu importe le genre musical, des fois, c'est drôle parce que j'ai eu beaucoup de conversations peut-être avec le festival ska, ou juste c'est un sujet qui est revenu sporadiquement dans mon quotidien. Des fois on fait c'est comme c'est qui écoute encore du ska, mais étonnamment, il va toujours avoir des gens qui vont être amateurs des genres, puis tant qu'il y a des événements qui se créent, ça prouve qu'il y a une scène vivante et que ça va perdurer dans un sens, même si c'est plus des mouvements qui sont parfois à la mode. Quoi que je dis ça, puis le directeur général de la station de CISM croit beaucoup au retour du skate punk dans les prochaines années. Ah ben j'espère qu'il a raison, je serais bien heureux. C'est plus dur, c'est certain, tu sais, la foule, le public se rajeunit pas non plus, mais en même temps, au show de Rock and Roll Television, Colors Fade, Pain Relief, j'entendais le monde dire « Wow, ça sonne comme quand j'allais voir des shows dans le début des années 2000 », tu sais, ben oui, ces bandes-là sont ces bandes-là existent, ils ont été influencés par cette musique-là, puis ça crée encore de la bonne musique, là. Oh, une certaine nostalgie, donc. Une certaine nostalgie punk, effectivement. Hey, t'as-tu d'autres projets, là, Eric? Plug-toi. J'ai-tu d'autres projets? Ben là, en fait, là, je profite un peu. Moi, je vois ça comme un peu des vacances, maintenant que j'ai quitté Satire, l'émission. Ça peut paraître un peu nono, là, mais peut-être que toi, tu le sais, tu fais de la radio. Oui, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps, puis... Présentement, ça me permet de découvrir des albums. T'sais, quand tu crées une émission musicale, tu écoutes des chansons. Petit côté éditorial ici, les gens écoutent plus beaucoup d'albums, ils écoutent des chansons. Ils vont sur Spotify, ils vont écouter une pièce d'un groupe, ils trouvent ça bon, ils passent à d'autres choses. Là, je prends vraiment le temps d'écouter des albums de groupes que je me suis dit, c'est bon, j'aimerais ça les connaître un petit peu plus en profondeur. Puis donc, j'en profite pour faire ça, pour découvrir découvrir des bands. Je vais commencer possiblement à écrire avec Barricade Punk. En fait, j'écrivais déjà, je vais recommencer peut-être à écrire un petit peu plus avec eux. Peut-être un podcast en ligne aussi qui s'en vient, toujours sur Barricade Punk, tant qu'à faire de la plug. Et puis, c'est certain que j'ai un projet aussi de faire un deuxième volume pour la compilation Satire. Il y a encore plusieurs groupes à découvrir au Québec, donc on va voir... Comment ça va se dessiner, là. Oui, je sais déjà que tu vas nous repartager ces belles chansons-là sur les ondes de la marche. Fait que on a déjà hâte à une prochaine compilation, Eric. Ah, mais merci. Ah. J'ai bien hâte de vous partager ça aussi. Hey, vu que tu me les as fait découvrir, on va en écouter. La cavale. Merci beaucoup, Eric, encore. Merci. Bye-bye. Pourtant chacun voulait savoir ce que l'autre. Crass avait raison, c'est la chanson du groupe Capable. Je mets un point d'exclamation dans ma voix, j'espère que tu l'as senti, Crowd. C'est de leur album un peu crust, un peu emo. Et vous avez aussi entendu Brutal Chérie avec la chanson Cours ou crève, qui est aussi le nom de l'album. Et vous avez entendu Caval, qu'on a parlé, Éric Pimoué en entrevue. Ben oui, c'était une bonne chanson qui se retrouve sur leur album For Action. Vous écoutez toujours Critique de Crowd, qui effectivement était à cette soirée, je sais pas comment, la soirée compilation satire, et il y avait Rock'n'Roll Television, Colors Fade et Pen Relief. Je suis arrivée, ouais, je pense que c'était après une ou deux chansons de Rock'n'Roll Televisions. Ça se passait à l'hémisphère gauche. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée. Et ben, elle était égale à elle-même, l'hémisphère. Elle était identique. Ouais. Pour ceux qui y sont jamais allés, c'est quand même petit, mais je pense qu'il peut y avoir quand même pas mal de crowd. C'est en longueur, c'est en noir, il y a des stickers de Ben un peu partout. Justement, la Cavale avait déjà collé un collant sur le stage. Je me suis dit, mon Dieu, ils viennent juste d'arriver au Québec, puis déjà, ils laissent leur marque. Alors oui, toujours ressemblante à elle-même, chère hémisphère gauche. Alors moi, je descends, puisqu'il y a quelques marches pour atteindre cette partie qui devrait être la place de la crowd, mais elle est relativement éparpillée, puisque tu peux aussi rester sur le bord du bord. Tu peux rester dans la zone VIP, le dit de même, et se faire gauche avec une section VIP, ça se peut pas, effectivement. Mais c'est surtout la section où les bands laissent leurs instruments. Fait que oui, des fois, il y a des gens qui vont rester là. Puis quand t'es juste un spectateur, tu te demandes, mon Dieu, mais quel est cet endroit qui ressemble à un balcon? Ils sont bien haut perchés, ces spectateurs. Mais non, voilà. Il faut mieux, de toute façon, être bien en avant, parce qu'il faut être honnête. Oui, avec Eric, on parlait de la scène punk rock en ce moment. Je me mets dans le terme large, au Québec, ce n'est pas le genre musical qui attire foule. Alors non, je ne peux pas enjoliver la réalité. On était peu nombreux. Et oui, les membres des groupes font aussi partie de la crowd. Ça, je le mentionne pas nécessairement souvent, mais c'est une réalité aussi en spectacle. Je veux dire, quand il y a deux, trois, ben, et parfois même plus dans une soirée, oui, ça fait de la crowd supplémentaire. Et il faut quand même mentionner que vous êtes une bonne crowd, parce que vous connaissez la musique, vous êtes vraiment dans les mêmes référents, fait que vous êtes relativement attentif, je dis relativement parce que t'es aussi une crowd un peu volatile, le cher musicien. Ouais, t'es là, t'écoutes, tu t'en vas, tu sais, comme tu veux moins. Des fois, tu viens moins en avant, t'es plus porté à aller fumer une smoke dehors. Fait que oui, c'est toujours agréable qu'en tant que spectateur, tu ailles en avant, parce que c'est bien là qu'on va encourager les groupes. On va écouter un petit extrait de Rock'n'Roll Television. Let's go! Il est fort court, mon extrait, parce que me semble qu'on capte tout de suite l'ambiance, l'énergie. Il y a quelque chose de quand même léger dans le punk rock, là. On n'est pas dans quelque chose de raw, tu sais. On va pas se varger dessus. Ouais. On est un peu plaisantin. Comme cette fille qui fait des moves, de faire des moves. Ah, je me sens comme dans une session quand je dis ça. Mais reste qu'elle faisait des mouvements. Elle tourne sur elle-même comme quelqu'un qui aurait été un peu bagarreur dans le spectacle. Mais étant donné la dynamique de foule, non, ça se passe pas, parce qu'on est calme. Il y a, à l'hémisphère gauche, tu sais, il y a quand même la section où il y a tout le temps plein de chaises. J'ai jamais vu les chaises pas toutes empilées une par-dessus l'autre en passant, là, mais reste que ça fait un bon accoudoir. Et il y a une autre partie qui est plus en brique où les gens peuvent s'asseoir. C'est ça qui est un peu drôle et qui peut être dangereux, c'est que c'est facile de longer la salle à l'hémisphère gauche et de pas être en avant. Il y a quelques supporters et ce le sera pour, pour Colors Fade, ce le sera aussi le cas pour Pain Relief. Ça va l'être tout le temps. Des fois, c'est dérangé. Ouais, mais distante. Tu sais, des fois, les gens vont être en avant, même si la crowd n'est pas très nombreuse. Mais là, il y avait même une séparation entre les rangées. Je sais pas trop pourquoi tu filais plus en avant, plus milieu, plus en arrière. Justement, l'investissement que tu veux mettre sur ton écoute. Mais reste que pour le deuxième band, Colors Fade, qui venait de Québec, il y a eu quelques excitations, quelques air drums, quelques petits mouvements, sans aller comme dans, je sais pas, il y avait pas une, je me marquais dans mes notes Hardcore Kid, mais tu sais, c'était pas comme ah, tu sais, justement pas comme tu faisais pas les moulinets avec tes bras, mais une espèce de petite un petit plus dans, sans être agressif, tout simplement dans ta présence, cher spectateur. Oui, il y en avait comme deux. Il y en avait deux, un et demi, si ça dépendait, qui s'excitaient plus que d'autres. J'ai trouvé ça... oui, c'est sûr que c'est toujours bien sympathique que tu t'investisses un peu plus. Cet élan, cette spontanéité. Hey, j'ai envie de passer un autre extrait de Colors Fade parce que ça, c'est vraiment drôle. Mais écoutez, énormément de compilations. J'ai fait comme, oh mon Dieu, cette chanson-là, elle me dit beaucoup trop quelque chose. Genre, je la connais par cœur, je l'aime beaucoup trop. Puis je me disais comme, voyons, pourquoi c'est la première fois que je vois ce Ben-là? Puis je le réalisais que c'est parce que j'avais beaucoup trop écouté la compilation que je connaissais énormément cette chanson-là et pas toutes les autres. Oui, musicalement, c'est le genre de voix qui pourrait avoir beaucoup d'ambiance, mais en même temps, je trouve que ça c'est possible aussi de rester plus calme que dans un show où la sonorité est plus agressive. On dirait que ça me dérangeait pas qu'il y ait... Ouais, qu'on fasse tout simplement une écoute active en tant que crowd. Le troisième groupe, finalement, c'est Pain Relief qui viennent de Québec. Oui, l'autre qu'on a écouté avant, c'est Colors Fade qui viennent de Gatineau. Et finalement, oui, le dernier groupe, les musiciens, du moins le bassiste, aimait bien descendre sur scène, étant donné que c'était un sans-fil, ben là, il pouvait plus se promener. Et même, on rappelle, ça a été dans la foule. J'ai senti qu'il y avait un peu plus d'excitation. Et pour tous les groupes, et particulièrement le dernier, parce que c'est drôle, ils ont dit « OK, là, le set est fini, fait que le party est commencé. » Et ça a vraiment changé toute l'atmosphère. Je sais pas pourquoi, le fait qu'ils annoncent que le spectacle est fini, mais que ça continue, l'ambiance s'est transformée. C'était des covers, il y avait du Rancid, il y a eu de l'excitation, il y a eu du ska! Il y a eu du ska! Non, mais ska punk! Et c'est fou! C'est fou comment ça change une foule! Tu sais, le punk rock, oui, tu sais, ça peut être un peu... Mais là, l'espèce de... Ouais! On danse ska! C'est encore plus léger, encore plus laissé-aller, encore plus foufou. Les mouvements sont très précis, connus des amateurs. J'ai l'impression que dès que t'entends du ska, tu fais comme « Ouais, on y va! » Puis là, tu te laisses aller, le genou, puis le pied, puis envoie par là. Puis oui, il y a vraiment eu une différence et dans l'atmosphère et dans les comportements, dans la foule. Et faut dire aussi, on a... Avec Eric et l'entrevue que j'ai faite, on a parlé de nostalgie. Effectivement, cover, ah, dans le bon vieux temps, ah, cette chanson que je connais par cœur. Oui, les musiciens, vous connaissiez vos classiques vraiment par cœur. Et c'est là que, ouais, je trouve ça toujours drôle comme les shows hommage ou les covers. Mais cette fois-ci, d'en avoir deux, trois, ça animait le monde. Et je voudrais pas que ça soit en perte aux créations. Simplement, là, on le sentait, oui. La nostalgie du punk rocker qui fait comme « Ah yeah, ma toune !» puis s'exciter comme un peu trop. Mais je crois aussi au pouvoir merveilleux du ska. Le ska. Toi, qui c'est qui aime pas le ska dans la vie? Come on! ça met tout le monde de bonne humeur. Come on tout le monde. Et sinon, dans la foule, je tiens à le mentionner parce que je vais faire une petite mention à François Danassien qui est un BDiste et c'est lui qui a fait la couverture de la compilation Satire. Je l'ai connu à CISM, tout est dans tout, mais véritablement, là, quand t'es à CISM, c'est une ouverture au monde culturel. Je l'avais rencontré au Salon des Arts et Underground et ça a été comme, j'y allais au kiosque en tant que CISM. Et en allant d'un kiosque à l'autre, justement, ben, il me dit « Ah oui, je fais une bande dessinée, ça s'appelle Minimax, c'est une punk, puis elle anime à CISM, puis elle écrit un livre. » Puis là, j'ai fait « Wow, calme-toi, on se connaît pas, mais ta bande dessinée, c'est moi. » J'ai comme « J'anime à CISM, j'écris, ça se peut pas. » J'ai vraiment halluciné quand je l'ai rencontré, je me suis dit comme c'est ma destinée, cette bande dessinée. Et je la recommande parce que son univers est complètement musical, alors pour tous les amateurs de punk, ceux qui étaient présents, oui, au show de la compile d'Hémisphère Gauche, mais tous ceux qui n'étaient pas, ben non, mais qui écoutent Punkzilla, qui écoutent encore du punk aujourd'hui, tu vas t'y retrouver et tu vas y avoir beaucoup de plaisir. J'ai eu le temps de scraper le mot plaisir. Ouais, j'ai une fin de rhume. Fait que on continue en musique. Va avec Disco, bien évidemment. Fait que ça va être les Happy Curiens, avec la chanson Rétro, parce que ouais, nostalgie, c'est un peu rétro. BL Mafia avec la chanson 24-7 qui se retrouve sur leur album Lendemain de veille. Vous avez aussi entendu les Apicuriens et la chanson Rétro qui se retrouve sur Propager les bonnes ondes. Ben oui, parce que c'est les ondes de la marche, c'est ISM, puis Critique de Crowd. Après ce spectacle tout à fait punk rock de la compilation Satire, ben je me suis aventurée dans le merveilleux monde de l'électro, dans ce merveilleux monde là où il y a des adresses mais pas de nom à la salle. Et c'était organisé par Ico is one, excusez-moi, je vais avoir le temps de me tromper plein d'autres fois la semaine prochaine parce que oui, effectivement, je te tease, cher auditeur de CISM, m'a te conté l'anecdote la semaine prochaine. Mais en attendant, je vais te passer un court extrait de Pulse. C'est ceux que j'ai pu voir en performance durant cette bonne séance de techno, dans cette bonne séance de lieux lugubres et obscurs et étranges. Pendant ce temps-là, ben c'est ça, c'est pas mal tout le temps. Là, je m'appelle tout le temps Jolène et je suis toujours honorée d'animer sur les ondes de la marge. Si tu as des suggestions, des commentaires, c'est fort apprécié que tu appelles. Merci Christian, c'était bien agréable entre les chansons de vous jaser, mais sinon les internets, c'est bien fait le restant de la semaine. Fait que petit extrait et je vous dis surtout à la semaine prochaine. Bye bye. Découvrez la nouvelle salle André Mathieu lors du concert de réouverture mettant en vedette Louis-Jean Cormier, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur en formule acoustique. Ouvrez sa fenêtre, on avale. Un spectacle exclusif à voir. Assistez à cette soirée de festivités avec Karim Ouellet en DJ set. Vivez la nouvelle salle André Mathieu le 26 octobre prochain. Pour réserver, visitez salleandremathieu.com ou au 450-667-2040. Première impression, le nouvel EP du groupe Des Ébauches. Fort de l'élan que lui a procuré l'accueil chaleureux de son premier album, Le Prisme des Éclats, le groupe montréalais Des Ébauches est de retour, déballant 5 nouvelles compositions rock plus raffinées que jamais. Que reste-t-il à ses pieds? Spectacle lancement accompagné du groupe Les Chiens, le 20 octobre, 20h30 au Lion d'Or. Billets en vente sur lepointdevente.com. Première impression, disponible dès le 21 octobre. Cette semaine, dans votre quartier libre, comprenez l'expression culture du viol, les ressources disponibles sur le campus ou encore le profil d'un agresseur. Et découvrez une nouvelle exposition sur le patrimoine du Pérou. Visitez notre site internet quartierlibre.ca et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Quartier Libre, au cœur des préoccupations étudiantes. Diplômé, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSOM. Visitez le cepsom.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. Du 3 au 13 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Karim Ouellet, Les Gaules, Dalton Telegram, Laurence Narbonne, Fudge, Saratoga, Violette Pie, Pontex, Cliché, Samito, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Salut les sportifs! L'Abreuvoir est fier de vous présenter tous les matchs des Canadiens avec nos soirées de hockey, les soirées lancées Kunta! Avec en plus un tout nouveau menu pour les fins palais, le retour de nos fameuses ailes de poulet, 10 ailes pour 5$, des pichets de bière à 12,75$, des entractes animés par nul autre que moi-même, Michel Kunta, prix à gagner, shooters gratuits, bière gratuite. Écoutez, que la saison aille bien ou qu'elle aille mal, ne vous inquiétez pas, parce que L'Abreuvoir et moi, on sera toujours là avec nos soirée de hockey. C'est un rendez-vous! L'Abreuvoir, bar et terrasse, 403 rue Ontario-Est à Montréal. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Cette émission est une rediffusion. Hey, salut les jeunes. Salut les jeunes. Hey, salut vous autres, mesdames, messieurs. Merci. Puis toi,